E.T., un pilote président, des soucoupes à gogo. Cette semaine, on a maté Independence Day et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Independence Day de Roland Emmerich. À mes côtés, pour en parler avec moi, ce soir, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Comment vas-tu, Greg? Ça va. Allergique? Un petit peu, mais ça va. Allergique au film? Non, j'imagine. Celui-là, ouais. Oh, c'était pas mal, hein. On l'entend déjà à tes côtés, oui. Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Comment vas-tu? J'en peux plus de ces films-là, quoi. J'en peux plus. Non, La Planète des Singes, Avatar, Independence Day, moi j'en fais plus, quoi. C'est la première fois que je me plains à l'antenne, hein, mais là... Non, c'est pas la première fois. Hein. Oui, non, c'est pas vraiment la première fois. Ça sera pas la dernière. Ouais, non. À tes côtés, Mickaël, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très, très bien. Et à tes côtés, Barbara, une cinquième personne, Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. C'est la première fois qu'on est cinq. Que toute l'équipe est réunie, ouais. Voilà. Donc ça personne ne sait, mais je suis dans les toilettes, à cette place dans le salon. Dans le salon, dans le studio, tu veux dire? Ouais. Oui, oui. Moi, tu me demandes pas comment je vais, par contre. Pardon, excuse-moi, ah, comment vas-tu? Ah oui, ça m'intéresse. Écoute, ça va très bien, et il se trouve que moi, eh ben, je me suis bien amusée en regardant Independence Day. D'accord. Alors, avant de parler du film, il faut absolument que je parle d'un bail qui nous arrive. La nouveauté. C'est quoi les bails? Alors, pour expliquer aux gens, parce que personne ne sait comment on choisit nos films, on a écrit des films sur une liste, sur des petits papiers que l'on met dans un chapeau, et on tire les films au chapeau. C'est très clair? Vous m'arrêtez quand vous ne comprenez pas ce que je dis. Pour je vais même m'aider. Hein. Pour l'instant, ça va. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de faire un super truc participatif où les gens peuvent mettre un nom dans le chapeau. Donc, si vous voulez ajouter un film de l'enfer que l'on doive se taper pour soyez en pas parler... Trop méchant, quand même, hein. Pas deux heures et demie, s'il vous plaît. Ouais, genre ouais, Titanic, on n'a pas trop envie de le faire. Tu sais qu'il est déjà dans le chapeau. Il est déjà dans le chapeau. J'ai vraiment pas envie qu'il tombe, quoi. Donc voilà, pour l'instant, il y a une petite dizaine de films dans le chapeau. Si vous voulez en rajouter, eh ben, vous laissez en commentaire iTunes. C'est très important que iTunes. Donc ça sert à rien d'envoyer des messages ou quoi. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens peuvent envoyer un seul et unique film et pas nous bombarder de films et de trucs comme ça. Ah, enfin, ouais, en même temps, le commentaire iTunes, tu peux mettre plusieurs films dans ton commentaire iTunes. Ouais, mais je prendrai que le premier. Ah, ou celui qui me plaît. D'accord. Mais vous pouvez aussi nous envoyer un recommandé ou un fax. On vous donnera le numéro à la fin de l'émission. Je sais que dans mon immeuble, il y a une cage à pigeons voyageurs sur le toit, donc si vous utilisez encore ce moyen-là. Et donc voilà, on fera, pour vous prouver que c'est vrai, maintenant, désormais, on fera les tirages au sort de films en fin d'émission, évidemment, pour pas vous faire chier avec tous ces trucs-là, si jamais ça ne vous intéresse absolument pas. Qu'est-ce qui nous prouve que ça sera pas truqué? Il y a un huissier. Il y a un huissier. Mickaël et huissier de justice. Maître Mickaël. Donc, cette semaine, on parle de Independence Day, sorti en 1996, de 145 minutes. Version normale, 153 minutes édition spéciale avec Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell et Randy Quaid. Et pour ceux qui ne se souviennent pas à quoi ça ressemblait, merde, pardon. Bah, ça ressemblait à ça. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Un événement historique sans précédent vient de se produire. La question, sommes-nous seuls dans l'univers? Vient de trouver une réponse. Ça alors, c'est cool. Quatre vaisseaux viennent d'arriver au-dessus de l'Inde, l'Angleterre, l'Allemagne. Je ne crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour déclencher une guerre. Il faut les arrêter immédiatement, sinon ils vont tous nous tuer! Ils utilisent nos satellites contre nous. Le temps nous est compté. Donc ça explose grosso modo dans tous les sens ah, pète, et hein. Pendant tout le film. Ah on en prend plein les birettes hein. Ah, ouais, ça, ah là c'est le mot. Ouais. C'est plein ta gueule. Mais moi je pensais que ça explosait plus que ça dans mon souvenir. Je me souvenais d'un milliard d'explosions. Et enfin, il y en a quand même un milliard quoi. Il y a beaucoup. Il y en a ouais. Pas mal. Ah, non, mais des explosions de maquettes de bâtiments dans mon souvenir il y en avait vraiment plein. Ouais. Genre le Mont Rochemort et tout, mais pas du le tout. Le Mont Saint-Michel. Je l'ai pas retrouvé, je comprends pas. La basilique de Reims. Par contre, moi, j'aimerais juste en introduction, une fois de plus, j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Mais là, cette fois-ci, je vais gueuler. Hein. J'en ai marre. Et donc évidemment, j'ai pas pu voir le film parce que j'avais Top Gun versus Predator. Ah mais c'est complètement ça quoi. C'est ça. C'est un peu bizarre comme film. Pour le coup, j'ai compris plus les combats d'avion dans ce film que dans Top Gun. Oui, c'est vrai. Mais je les ai trouvés vraiment encore plus nuls quoi. Ouais. Qui résume le film? C'est facile, c'est simple. Enfin, ça se fait en deux mots quoi. C'est genre simple, fais-le alors. Alors il y a des aliens qui arrivent, ils foutent des grosses énormes soucoupes qui font des kilomètres de diamètre. 25 kilomètres. On a le chiffre. Ouais, on a le chiffre. 25. Ouais, ouais. Au-dessus de grandes villes, il y a d'ailleurs il y a Paris, hein. Il y a Moscou, il y a Sochaux, il y a et il y a Washington et il y a New York, Los Angeles. Ou en Irak aussi, ouais. Bon, ils ont mis une dans un désert irakien. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, les Irakiens n'ont pas l'électricité. Non, non, ils n'ont pas de ville. Hein, genre en Irak, c'est le désert, quoi. Ils n'ont pas découvert la sédentarisation. Ils sont nomades. Mais je sais pas comment ils ont réussi à faire un programme nucléaire. Et donc, on se demande un peu ce qui se passe, parce qu'il y a ces aliens, enfin, il y a ces soucoupes qui sont au-dessus des villes, et tout le monde, ils se présentent pas tout de suite, donc tout le monde commence à flipper, ouais. Ou pas. Il y en a qui sont contents. Pas trop, donc. Et en fait, dès que ça commence. Et eh ben ils font tout péter, ils font tout péter et on se rend compte qu'ils veulent coloniser la planète pour avoir les ressources. Mais le problème c'est qu'il y a Will Smith, Jeff Goldblum dans le lot, ouais. Et même le président. Ils n'avaient pas prévu ça. Hein. Le président pilote. Hein. Et du coup c'est la castagne quoi. Parce voilà. Que c'est pas François Hollande qui serait monté dans l'avion pour avoir sur la gueule. Hein. Ni pour Pilou hein. Donc c'est un hasard absolu de calendrier, mais il s'avère que donc ça commence le 2 juillet. Ça commence le 2 juillet. Ouais. Voilà, puisque en fait bon voilà, un petit spoiler alerte, mais ça va se terminer un 4 juillet qui est le jour de c'est l'équivalent du 14 juillet aux États-Unis. Aux Amériques. Voilà. Et c'est tout de suite dans l'ambiance avec une plaque sur la Lune. J'ai pas bien compris d'ailleurs le c'est la plaque bah, déjà, y a le... qu'ils ont laissée sur la Lune en 69. Attends, ils sont venus avec une perceuse, ils ont laissé une plaque dans le truc. C'est la DD1 qui portait sur la Lune. On dirait un mémorial de 200 kilos, comment ils ont fait ça à l'époque. Et déjà, on commence avec un générique avec l'écriture Le Terminator 2, non? Ah oui, ouais, c'est exactement le même. Et déjà, le générique, ça fait pfff, ça avec l'écriture, c'est incroyable, quoi. Moi, ça m'a plu. Enfin, le début, je vais voir un bon film. Ouais, en plus, c'est le doubleur de Kevin Bacon qui commence à parler, qui fait l'introduction, qui lit la plaque. Je fais putain, là, je sens qu'il va y avoir tous les doubleurs que je connais. C'est un peu le cas aussi. Et après, le film va devenir très lentement un enfer atroce et ouais, infini. Ouais. Et moi, j'aime bien, mais j'avais des faux souvenirs. J'avais des souvenirs de Mars Attack, en fait, qui, pour moi, est vraiment similaire presque en plan ouais. De point. En fait, mais il n'y a pas de country à la fin, par contre. Non. Mais du coup, il y en a un qui se prend sérieux et pas l'autre, en fait. Voilà, je vous laisse choisir lequel. En fait, y a un débat hein, là-dessus, hein, tu sais, sur Independence Day. Hein. Mm. Le réalisateur, en fait, dit que c'est du second degré du début à la fin. Ah ouais bah, je ah pense. Ouais. Hein. Ouais. Ce qui en fait pas un bon film non plus, en fait. Ah non, c'est sûr, ouais. En même temps, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est un peu lent. Bah, on s'ennuie, enfin, moi, je me suis fait chier, quoi. Ouais, moi aussi. Bon, allez, on commence. Donc le film commence. Donc ça commence avec un institut extraterrestre. C'est normal, hein, avec toutes les paraboles tournées vers le ciel. Ouais. Avec un Chinois qui fait du mini golf. Alors ça c'est marrant parce que dans tous les films américains t'as ça. Dès que t'as un fonctionnaire qui est censé rien foutre, il joue au golf dans son bureau. Moi je connais des mecs qui se font chier au boulot, mais ils jouent pas au golf dans leur bureau. Enfin solitaire, tu vois. Ils ont pas un truc hyper élaboré. Bah, surtout que ça se voit, c'est flag. Il y a Didier, il a pas Philippe, il est chez client, il est déjà en train de faire son mini golf dans le bureau. Là. Il est en train de faire un karting. Et dès qu'il y a un chinois, on sait que c'est vraiment un gars qui est un peu ingénieux. Moi, je me suis demandé si c'était pas le petit chinois des Goonies qui avait vieilli, tu vois, et qui était dans un bureau maintenant. Et dans tous les films catastrophes, c'est toujours un mec qui est tout seul dans un bureau abandonné parce que cet institut, plus personne n'en a rien à foutre. Et là, d'un seul coup, ça fait bip bip bip bip, il y a des trucs qui s'impriment tout seul. Et là, le mec regarde et fait, oh mon dieu. Voilà, donc ça, c'est la catastrophe va arriver. En fait, ce qu'il reçoit, c'est le scénario du film. Oh putain, on me reverra plus. Oh, je suis deg. Et après le film, donc très très bien construit, on a l'introduction de tous les personnages un par un. Et à commencer par le président. Ouais. Attends, déjà en fait, au moment où il reçoit les papiers, il appelle le chef des scientifiques, pas trop, qui dort visiblement dans le laboratoire parce qu'il arrive en robe de chambre. C'est vrai, hein? Bah oui. Il arrive vraiment en robe de chambre, quoi. Il dort là. Et donc après, là, le président. Est-ce qu'on peut dire tout de suite l'homme parfait ou vous lui avez trouvé un défaut? Moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Moi déjà il a pas le double appel en fait quoi. Parce que c'est quand même le président des États-Unis, mais quand sa fille utilise la ligne pour appeler sa copine, bah, c'est-à-dire qu'il peut pas. Personne peut l'appeler même quand il y a des vaisseaux extraterrestres qui arrivent sur le monde comme Poutine. Mais là. Mon chéri t'as fini parce que Jennifer tu vas la voir demain. Hein. Moi, je le trouve assez insupportable, en fait. Vraiment. Bah, moi, je trouve son principal défaut, c'est qu'il se lève à midi, quoi. Pour un président, je trouve ça... Ouais. C'est quand même un personnage qui n'a aucun second degré. Vraiment, hein, aucun. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui va faire une petite blagounette pour détendre l'atmosphère, genre, mais vous êtes sérieux? Mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont morts? Comme si l'humour n'avait plus place dans un... Quand t'es président... Monde, ouais. Ouais. Ouais. Non, enfin, moi, j'ai déjà fait une blague à un enterrement, c'est mal passé. Hein. Ensuite, on a Jeff Goldblum. Ah ouais, alors ça, ouais, enfin, ouais, j'étais hyper content de le revoir. Mais oui. Alors par contre, est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il existe un film avec Jeff Goldblum où il joue pas un scientifique? Dans tous ses films, il joue un scientifique. Mais c'est vrai, dans La Mouche. Dans La Mouche, dans Jurassic Park. Ouais. Dans Jurassic Park, il est plus auteur que scientifique. Non, il est mathématicien du chaos. Oui, voilà, exactement. Mais on peut dire que globalement, ça s'apparente à mathématicien, c'est scientifique. Oui, oui. Moi, ça m'a bien saoulé de voir l'intro où ils sont en train de jouer aux échecs parce que tu sais que la scène va se finir en disant. Voilà, échec et mat. Certains qui va dire échec et mat, qui va se barrer. Quoi. Et son père, il fait mais joue. Bah, échec et mat. T'avais pas vu que t'allais prendre. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Surtout à la fin de la discussion, et c'est ce qui lui permet de pouvoir faire autre chose dans la journée, c'est-à-dire échec et mat, il se lève et il se barre. Ça m'a fait marrer. J'ai cru que ça va marcher, quoi. Dire, bon allez, je me casse, loser. Bon, elle m'a saoulé cette partie, c'est sûr que je l'ai perdue. Ouais, ce qui est génial après, c'est qu'il arrive à vélo dans son bureau, quoi. Dans son bureau. Mais il arrive dans son petit open space, il arrive au 25e étage avec son vélo. Quoi. Mais il est toujours classe, hein, Jeff Goldblum. Tu pourrais le mettre sur une trottinette, genre dans un self, il serait vraiment classe, je pense. Ouais. Après, moi, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'il arrive au bureau et que personne dit, mais t'étais où là? Donc en fait, il y a deux écoles de fonctionnaires qui foutent rien. T'as celui qui fait du golf dans son bureau et celui qui joue aux échecs avec son père à Hudson River et qui arrive à 16h. Mais surtout que c'est le rush de dingue dans le bâtiment et lui il est là, il arrive à faire du vélo au milieu tranquillou. Ouais. Et en plus c'est son boulot de faire marcher le truc, c'est parce qu'ils ont un problème avec le satellite et il y a son chef qui fait on a un problème avec le satellite, franchement on galère, faut que tu viennes nous aider et tout. Mais moi en vrai j'arrive, le gars je lui gueule dessus, je me dis tu fous de ma gueule, t'étais où, c'est ton taf de le réparer, ça marche pas quoi. Après on a l'intro du déglingo avec l'avion là, c'est pareil, tu sais on voit le déglingo avec l'avion, on sait qu'il va arriver à la fin et que c'est lui qui va attaquer avec son coucou de merde. Et pour le coup c'est pas avec le coucou, mais tu sais qu'à la fin il va se passer quelque chose quoi. Bon il est alcoolo forcément hein, donc c'est d'ailleurs, un vrai adnac alcoolo. D'ailleurs Barbara son avion tu l'avais pas vu au Bourget. Mais tu sais que au musée lié. C'est vrai. L'avion d'Independence Day. Et il y a trois enfants. Il s'est fait enlever par les extraterrestres, mais personne ne l'a cru. Ouais, non. Ouais. Ouais, en fait, c'est la boisson, ça, monsieur. Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est potentiellement faux, en fait. Hein. Enfin, tu vois, c'est peut-être vraiment un taré, quoi. En fait. Ah, bah c'est sûr. Oui, c'est vrai. Bah, déjà, un pilote alcoolique, c'est potentiellement le personnage le plus dangereux du film. Moi, je m'en méfierais plus que les extraterrestres. Et pourtant. Et ensuite, donc là, vraiment, le film commence assez vite. Ouais. Parce que le président va allumer la télé dans son bureau avec tous ses conseillers et là il découvre qu'il y a les extraterrestres sur la Terre. C'est-à-dire que lui il n'a pas été renseigné avant. C'est... Ouais, non, il avait le double. Enfin, il y avait sa fille qui avait. Elle utilisait l'internet de la maison. Ils ont 2 heures par mois. Ils sont chez AOL. Et après, c'est la panique parce qu'il y a Goldblum qui reçoit un télégramme en binaire. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. C'est vrai, ouais. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un mec. C'est pour ça qu'on reconnaît qu'il est super intelligent. Non, je m'attendais à ce qu'il fasse 1, 0, 0, 1. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui envoie un télégramme de l'autre côté, genre wow, il y a des extraterrestres qui arrivent vite, il faut que j'écrive à Goldblum. Genre 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Surtout globalement, le papier qui sort, ce qui sort, tu vois, ça doit être à peu près une page à 4 de 0 et de 1. C'est-à-dire il y a 3 lettres. En vrai, c'est ABC, tu vois. C'est clair et net. C'est pas un télégramme, si je ne m'abuse. C'est juste qu'il a décrypté le code des extraterrestres et que c'est un compte à rebours. C'est pour ça que. C'est-à-dire que les extraterrestres. Et c'est fini d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a 0 et 1. Toute la suite de caractères est aléatoire, c'est du bruit. Et là, il y a la fameuse scène. Oui, pardon. C'est les Irakiens, c'était avant ou. Les Irakiens, les mecs dans le désert qui habitent. Ça va tellement dans tous les sens que je me souviens plus dans quel ordre sont les Dis-le, on en a peut-être parlé, mais on va en reparler. Non, mais les Irakiens, bon, je vais répéter ce qui a été dit, hein, c'est que. En fait, ils se sont arrêtés, les Irakiens, leur révolution s'est arrêtée à l'Ancien Testament. Ils sont dans le même état de civilisation. C'est assez drôle. Et t'as la fameuse scène avec les ombres qui se propagent. Tu sais, sur les villes. Moi, je trouve ça hyper classe. J'ai trouvé hyper mal faite, moi. Ouais, ouais, non, mais c'était carte postale, genre tu vois Paris, enfin tu vois juste la Tour Eiffel avec une ville, mais genre la Tour Eiffel elle fait du kilomètre de haut. Oui, tu vois. Mais c'est les années 90, hein, faut pas attendre quand même. Moi je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Ouais. On voit Paris. Non, mais moi je trouve ça, pas Moscou, mal. C'est pareil, t'as l'impression que Moscou est déjà en train de brûler, ça fait trop flipper quoi. Bon. Donc direct. Ouais, par contre, Montbéliard, c'est moins réussi, je trouve. Je vais faire cette blague toute la soirée. Accident, émeute, là c'est instantané, donc des émeutes partout, mais pas trop quand même encore. Mais on se rend compte quand même que quand il y a une catastrophe, tout le monde oublie de freiner en fait. Toutes les voitures qui plus personne ne freine. Voilà. Non, en plus c'est marrant parce que tout le monde panique, tout le monde cherche à se barrer le plus loin possible de la ville où il habite, sauf les journalistes qui gardent une activité normale. Qui font des reportages. Bah attends, ils sont plus près de l'actu quoi. Oui bah oui, mais bon ils ont peut-être peur aussi, c'est des êtres humains finalement. Bah franchement BFM TV à mon avis, si tu te casses à ce moment-là t'es viré. Hein. Bah ouais. T'as intérêt à ce que derrière il fasse péter la terre parce que sinon. Parce que si jamais tu survis. Là, Will Smith, il va faire ce que j'appelle maintenant une Jurassic Park, c'est-à-dire qu'il va sortir de chez lui, il y a une soucoupe à peu près de 25 km alors... face à lui, il va mettre 25 minutes pour s'en rendre compte quoi. Il sort ses poubelles, il regarde tout le monde et à un moment il fait. Oh putain, il se fait couper 25 km. Déjà, il y a son mec qui fait pareil d'ailleurs dans la foulée. Ouais. Pour l'introduction de Will Smith, il faut noter que donc c'est le seul américain à se lever plus tard que le président. C'est vrai. Mais il est un peu déprimé, le bourre. Hein. Et ouais. D'ailleurs, c'est, je ne sais pas si vous en remarquez, parce qu'il a l'air jeune, hein, quand même, Will Smith. Il a quel âge? Il a 25 ans. Eh ben, il avait 7 ans et demi. Quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est gradé, mais comme un vieux général de guerre. Il a des plaquettes dans tous les sens. Ouais. Déjà, on sait qu'il est de l'armée parce qu'il a ses pendentifs. Moi, j'appelle ça des plaquettes. Tu vois. Une rivière de diamants. Mais en tout cas, tu sens qu'il est. Il pue le Top Gun, là. Ouais, vraiment, ouais. Il a l'air hyper fort. Ouais, il a l'air hyper fort. Oui. Bah, il est surtout très musclé. Et les soucoupes, ça fait super longtemps qu'elles sont là déjà, parce qu'on a eu le temps de présenter en plus plein de gens. Les gars, ils font quoi? Ils restent dans leur soucoupe. Ils calibrent bien parce qu'ils veulent vraiment être bien au-dessus de l'Empire State Building. Ouais. Tu sais, ils galèrent. Non, un peu à droite. Ah merde, t'es trop loin. On entend quand ils reculent. Ensuite, mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent. Alors, on voit pas les soucoupes tout de suite, en fait. On voit un espèce de nuage. Moi, je me suis dit, c'est Sangoku. On voit un espèce de nuage, donc ça fait un peu orage, tu vois. Et ensuite, les soucoupes apparaissent derrière le nuage de fumée. Moi, je trouve ça classe. Ouais, ouais, quand il y a l'avion qui va en repérage voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du magma en fusion. Et oui. Puis d'un ah coup, oui, ça c'est pas du tout expliqué, ouais. Et ah d'un oui, coup, ça devient un vaisseau. Ça, c'est vraiment compréhensible. Ouais, ils foncent dans une boule de feu et après ça, ça devient un vaisseau. Ouais. Ensuite, il y a Jeff Goldblum et son ex. C'est ce que écrit, donc. Parce que, comme par hasard, en fait, la conseillère personnelle du président, bah, c'est l'ex-femme de Jeff Goldblum. Ouais. Donc, ils sont encore tous les deux amoureux l'un l'autre. Ouais. Globalement, il y a 5 ou 6 personnages qui vont sauver le monde. Hein. Ouais. Et par le fruit du hasard total, ils vont tous se rencontrer. Et, ouais, voilà. C'est vrai, ouais. Et comment il la contacte? Il la contacte par cet engin bien particulier qui est l'ancêtre de l'iPhone. C'est un ordinateur sur lequel est greffé un téléphone qui peut faire satellite en même temps. Ouais, il peut faire plein de trucs. C'est assez impressionnant comme outil quand même. C'est un peu Inspecteur Gadget du film Catastrophe, Jeff Goldblum, pour le coup. Ce qui est marrant, c'est qu'il recherche le numéro de téléphone de son ex. Je le connaissais pas. Il a besoin d'un mini disque spécial. Elle lui raccroche le nez la première fois quand il essaye de l'appeler. Ouais, parce que la première fois, il appelle à la Maison Blanche et ensuite il cherche son numéro de téléphone. Il avait le numéro de la Maison Blanche, mais il n'avait pas le numéro de téléphone de son ex. Il a la ligne directe du président, donc occupée par sa fille. Il n'a pas le portable de son ex. Là, Will Smith, il dit un truc hyper drôle. Ah oui, alors, sa femme est stripteaseuse. Mais il faut pas juger les gens. Bah non. Il faut pas juger les gens. C'est une bonne leçon, ce film. Par contre, ce qu'on peut juger, c'est qu'elle amène son enfant qui a 5 ans et demi dans sa boîte de sushi. Viens au travail de maman. Tu vas moins t'ennuyer. Assieds-toi là-bas, là, avec Jeff. Avec le chien. Viens, mon petit. Elle amène le chien aussi dans la boîte de sushi. Et Will Smith, il lui propose, il lui dit bon, écoute, voilà, je voulais te le dire avant, mais j'aimerais bien que tu viennes vivre à la base avec Dylan. Ouais, je pense que c'est un bon environnement pour toi, stripteaseuse avec ton fils, de venir vivre à Top Gun où il y a clairement aucune nana. Mais oui, c'est un peu comme dans les gendarmeries, t'as les mecs qui y vivent avec leur famille. Ouais. Je pense. Je connais pas bien. Hein. Là, il y a un détail. C'est un détail, mais ça m'a fait hurler de rire. Tu vois passer un message en boucle à la télé. C'est écrit « Ne tirez surtout pas sur les habitants extraterrestres, vous pourriez déclencher une guerre interstellaire !» Le mec qui a écrit ce message, tu sais. Surtout, t'imagines, tu sais, le fermier qui sort avec son fusil et qui tire dans le ciel sur le vaisseau. Et t'as des extraterrestres direct qui font « Vas-y, on déclenche une guerre interstellaire, là, ça va saouler !» Alors, ce qui est marrant, c'est que par contre, ils envoient des. Parce qu'ils savent pas, en fait, si les extraterrestres viennent avec des bonnes intentions ou pas. Donc, ils envoient des espèces d'hélicoptères d'accueil, tu sais, avec des grands panneaux lumineux. Mais c'est ultra flippant, c'est super flippant. C'est surtout que c'est des panneaux d'autoroute, quoi. Enfin, c'est des trucs de dérivation, quoi. Enfin... C'est pour prévenir une chaussée glissante aux extraterrestres. Welcome. Ouais, non, mais c'est surtout, en plus, si c'est pas ta civilisation, tu vois des trucs s'allumer comme ça, tu penses potentiellement à un truc extrêmement hostile, quoi. Tu vois ça, tu tires. Il y a peut-être écrit un welcome avec un gros cœur. Hein. Est-ce qu'on peut parler des déglingos? Oui, qui sont sur le toit. Qui sont sur les toits, qui viennent accueillir les extraterrestres. Ouais, moi, je sais pas. Avec leur pagode. Non, je préfère qu'on en parle pas, moi. Avec la stripteaseuse, la copine de de la meuf à Will Smith. Ouais. Et elle lui dit, tu me promets que tu vas pas y aller, j'ai un mauvais pressentiment. Ah bon? Ok. Ouais. La scène d'après, elle y est. Elle ressemble à Zaz, d'ailleurs. C'est pas elle, hein. Et voilà, et donc ce qui doit arriver arrive, c'est que l'hélico, ils vont lui massacrer la tête. Quoi. Ouais, ils vont massacrer la tête à l'hélico, hein. Non, mais ça ouais, et puis c'est surtout la fin du compte à rebours, donc David, il avait prédit. Il avait raison. Ouais. Il avait raison, mais heureusement, il l'a dit à temps au président des États-Unis qui a pu monter dans Air Force One avec sa fille Patricia. Qui appelle sa fille Patricia? Elle est présidente, en général. Même si. Et surtout, Jeff Goldblum, potentiellement, c'est un déglingo, tu vois, t'as son esque, et là, tu fais, bon, tu vas arrêter de me suivre partout, comment t'as retrouvé mon numéro? Et là, direct, elle fait, bon, le mieux, c'est que je t'organise un meeting avec le président. Il rencontre le président direct tout seul, quoi. Bah, je comprends pas, en fait, pourquoi il est pas passé par sa femme pour dire au président qu'il y avait une menace, le compte à rebours. Pourquoi est-ce qu'il va à la Maison Blanche et qu'il se fait chier à retrouver le numéro de son ex, machin? Parce qu'elle lui raccroche au nez la première fois et que du coup, il a, avec son super smartphone ordinateur antenne, ouais. Il fait une espèce de triangulation, je ne sais pas quoi, du GPS pour la retrouver. Et c'est là où il dit coucou, je suis là, coucou, fais-moi rentrer, oui. Quoi. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Bon. Donc elle a plus le choix, elle le met au pied du mur. Et c'est surtout qu'il a peur que le président lui pique sa meuf. Ouais, il a déjà mis un point dans la gueule pour cette raison. Donc, cette animosité, ouais. Et là, enfin, le compte à rebours, le moment tant attendu, que t'as quand même attendu assez longtemps, parce que c'est on a passé une heure. Je pense que ça arrive assez vite, en fait. Mais Et là, ça arrive à zéro. Ça pète, hein. Et là, ça va péter dans tous les sens, quoi. Ouais. Mais ça va péter que des monuments américains, en fait. Empire State Building, un truc à Los Angeles que je connais pas. Et Maison Blanche. Maison Blanche. La Maison Blanche. Ouais. Et puis c'est tout. Moi, dans ma tête, il y en avait beaucoup plus. Ouais, Il y a le décollage. Alors, cette scène, elle est dégueulasse. Ah, le décollage de Air Force One avec l'explosion derrière. Oh putain. Ouais. L'avion qui survit aux flammes parce qu'il est poursuivi par les flammes d'une explosion nucléaire. Et puis ça va en fait. Le son bobo, ça va. Après, tout le problème de ce film, c'est la surpuissance américaine, quoi. Les Américains ne craignent rien. Parce qu'en fait, jamais. Ah, t'as trouvé ? Ils sont dans le petit avion qui est poursuivi par des flammes, et puis ça vibrote à l'intérieur, tu vois. Limite, il y a juste le premier conseiller qui a sa boule de glace sur les genoux, mais c'est tout, tu vois. Il y a rien qui est cassé, tu vois. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans l'avion, en fait, t'as des salons entiers avec des canapés, des lampadaires. En fait, c'est le train dans Wild Wild West. tu dois avoir un billard. Une baignoire. Il y a des gadgets. Donc Will Smith il parle à Castan direct parce que là ça l'a un peu chauffé qu'il fasse péter tous les monuments américains. Bam, il part. Et puis il est motivé, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Alors il y a sa femme qui est potentiellement en train de mourir, mais lui il s'en fout. Hein. Il veut aller casser lui. Parce que là on est. Non, au moment il dit qu'il regrette de l'avoir laissé. Là on est le lendemain. Il a même une bague. Une bague avec un dauphin. La bague elle est magnifique. Personne ne t'écoute, Antoine. C'est horrible. Moi clairement, effectivement, les filles, moi on m'offre une bague comme ça. Moi je dis non direct. Comme alliance, moi je dis non. Non, et surtout, et sa femme se retrouve coincée dans le tunnel, et il y a surtout cette scène typique de tous les films américains qui c'est ma scène préférée. Non, mais c'est ma scène préférée. Il faut absolument qu'on raconte cette scène. Non, mais raconte-la. Si ça te c'est fait plaisir, vas-y, je te la laisse. Tout le monde va mourir. T'es poursuivi dans un tunnel et t'as une vague de flammes qui va à peu près à 60 km/h qui te fonce dessus. Elle casse un espèce de placard à balai de maintenance dans le tunnel. Elle rentre dedans. Donc déjà, ça te protège absolument pas. Hein. Je pense que les flammes s'engouffrent dedans et t'es brûlé à vie. Mais bon, là, elles vont traverser parce qu'elles vont pas dans les placards à balai, les flammes. Et t'as le petit chien qui est dehors. Et il saute juste avant que les flammes arrivent. Et ah bah c'est bon. Surtout, ce qui est marrant, c'est que le chien, on a l'impression qu'il réagit pas, quoi. Enfin, je veux dire, un animal, c'est un instinct de survie. T'attends pas, il est comme un dingue. Il est déjà barré. Non, celui-là, il cherche à imiter un os. Et parce que juste donc le lendemain, c'est le 3 juillet, donc c'est le lendemain matin, tu vois, oulala, après cette explosion. Et alors là, c'est Mad Max. Enfin, t'as l'impression qu'il s'est passé 60 ans. Peut-être t'as des trucs. C'est Mad Max, mais il y a encore plein d'endroits qui sont complètement épargnés et où ils vivent très très bien, parce que pendant tout le reste du film, ils trouvent quand même des refuges qui sont plutôt bien lotis, n'est-ce pas? Et donc là, on a le fameux truc, donc l'attaque des 460. C'est quoi le nom des avions? Barbara, faut que tu t'aviation. Non, je vous l'ai dit pourtant avant, je me suis pas préparée là. Bon, moi je vais les appeler F14. Mais, oh, c'est un peu plus gros que des F14. Ah, moi merde. Moi, je l'ai regardé sur une cassette vidéo enregistrée et je crois que ma cassette a bugué. J'avais enregistré par-dessus la guerre des étoiles, en fait. Ah oui, oui, oui. Ah, mais à un moment, c'est... Ah, mais c'est des tiroblasters et tout, ça... Sachant que les avions n'ont que 4 missiles. Parce qu'à la fin, ils vont être un peu je coincés. Est-ce que tu vas dans la même bibliothèque que moi? Moi, je l'ai regardé en famille. Il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit « Non, mais ça, c'est, cette scène-là, ça se sent trop que c'est fait pour faire un jeu vidéo après, tu sais, quand il passe dans les... » Le jeu vidéo n'est pas resté dans les annales. Hein, ils ont fait un jeu vidéo? Bah, je pense, doute, ouais, c'est une licence. Mais ça ressemble vraiment beaucoup à Star Wars quand même. Ouais. C'est un peu nul, ouais. Ils ont pris les blasters verts et tout. Mm. C'est un peu. Et c'est pareil, il y a le concept de bouclier protecteur. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui n'existe que dans la science-fiction. Ouais. Et là, ils tirent dessus, ils tirent un missile et là, ils font. Ah là là, ils ont un bouclier protecteur. Oui, non, mais c'est une technologie que tu n'étais pas censé connaître. Ça n'a pas de sens. Ouais, ils s'en rendent compte. Oh, j'ai vu ça dans Star Wars. On peut rien faire. Hein. On rentre à la base. Et Will Smith prend en chasse cette petite soucoupe là. Son pote Jimmy va mourir. C'est un peu le Will Smith show. Hein. Il parle tout seul. Il s'adresse aux extraterrestres alors que bon, ils l'entendent pas. Hein. Faudrait peut-être le prévenir que c'est pas une radio en fait avec les extraterrestres. Il a exactement le même rôle que dans Men in Black en fait. Hein. Un peu. Ce qui est quand même à grosso merdo le même rôle que dans Le Prince de Bel-Air en fait. Wild Wild West aussi. Est-ce qu'en fait c'est Will Smith qui est comme ça? Et donc, il réussit à choper un espèce de d'extraterrestre qui ressemble à un espèce de calamar gremlins. Ah oui, c'est pas trop ce que ça, c'est. Déjà, alors, déjà, non, mais attends. Ouais. Il se fait prendre en chasse. Voilà, c'est le seul survivant, Will Smith. Hein. Mm. Ouais. Il a quand même réussi à déglinguer une soucoupe extraterrestre. Donc déjà, si on veut faire un premier bilan à ce moment-là dans le film, on a une armée entière décimée d'un côté et un vaisseau de l'autre. Donc la première bataille, elle est pas bien engagée. Hein. Mais pourtant, on a perdu une bataille, on a bien perdu la guerre. Hein. On s'est mal engagé pour l'instant, mais parce qu'ils ont leur bouclier, vous comprenez. Et donc, ils se retrouvent dans un désert. Et là, il s'en fout, il va directement voir dans la soucoupe ce qui se passe. Alors là, il y a l'extraterrestre. Vous avez vu le plan où il s'éjecte en parachute? Oui. Ils ont un plan, le mec tombe droit comme un. Ouais. Non, mais là, il s'est tout cassé. Ouais. Là, j'ai regardé ça, je me suis dit, ah bah c'est con, il a été tragique jusqu'à la fin du film. Là. Et du coup, il va voir dans la soucoupe l'extraterrestre. Ouais. Qui ressemble un peu à un prédateur et qui surtout fait des miaulements de chat. Est-ce que ça vous a pas choqué ça? Le cri de l'extraterrestre, on dirait vraiment. T'as jamais vu un prédateur? Non. Bah, c'est quand même un poulpe prédateur parce qu'il a c'est un poulpe prédateur qui fait des bruits de chat, en vrai. Et donc, il lui met un pain dans la gueule. Ah ouais, ouais. Alors, l'extraterrestre qui a l'air vraiment robuste, il a assommé tout de suite. Et lui, tranquillement. Il se dit pas à un moment, peut-être qu'il peut se réveiller. Non, il fume son cigare, c'est limite s'il se fait pas un pique-nique. À côté, quoi. Je crois qu'il s'est fait un pique-nique. Il le trimballe, quoi. Ouais. Il se fait un pique-nique. Ouais, je crois. Ah, il mange des macros à la moutarde. Mmh, exactement. Il mange des calamars, il fait tiens, regarde ce que je fais des tiens. Ah, il n'y a plus de bulles dans le Pepsi. Non, mais surtout, bon, à la fin du film, il va piloter un vaisseau extraterrestre. Là, il se dit pas qu'il pourrait récupérer celui-là. Je sais pas, il est quand même crashé, le vaisseau du monstre, là. Ouais, mais dans ce cas-là, celui qui est dans la base américaine, c'est un qui s'est craché, mais il y a 50 ans. Ouais, mais ça fait 50 ans qu'il le répare. c'est déjà hyper lourd de se trimballer un extraterrestre dans un parachute, tu vois, pas en plus prendre son vaisseau pour le ramener à la base, quoi. C'est hyper compliqué, quoi. Il était au Bourget, la soucoupe volante. Moi, il y a une scène vraiment, j'ai envie d'en parler, je suis obligé d'en parler. C'est le personnage, c'est le père de Jeff Goldblum. Ouais. Qui est quand même omniprésent. C'était. Mais qu'est-ce qu'il fout là tout le temps, lui? C'était Michel Arsenal qui devait faire le rôle de Jeff. Non, mais le gars, il est tout le temps là. Il est dans Air Force One, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est même dans la base. À la fin, il est dans le vaisseau extraterrestre. Non, mais il est là parce que son fils, il a pas le permis. Et donc c'est lui qui l'accompagne à Washington. C'est vrai qu'il est là pour ça. Oui, mais je comprends bien. Mais attendez, heureusement qu'il est là, parce que c'est quand même lui qui va résoudre tout le truc en parlant d'attraper froid à la fin. Concentrez-vous. Il y a une scène dans Air Force One où Jeff Goldblum, il va se prendre la tête avec le président devant tous ses conseillers, et on va lui dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec-là, sortez-le et tout. Et là, le père, il arrive, il fait... David, c'est mon fils. C'est lui qui a trouvé le compte à rebours, tu sais, c'est mes clichés mais suprêmes. Le gars qui va prendre la défense de son fils et tout, ça n'a aucun sens. Antoine se transforme en rabichet. Non mais cette scène-là, c'était pas possible. Oui. Bon, en tout cas, le président, il retrouve sa femme, finalement, qui ressemble à Evelyne Thomas, d'ailleurs. Elle claque attends, dans la foule. Attends, attends, il faut parler de la zone 51. Mais c'est justement là qu'on arrive dans la zone 51. Mais non, pas du tout, c'est bien plus tard qu'il trouve sa femme. Ah ouais, je me suis trompé, ça va. Ah, je suis page 4. Alors là, il envoie le virus. Bon, bah, c'est fini. Oui, non, mais c'est à peu près pareil. Il arrive zone 51, voilà. Attends, mais c'est important parce qu'il y a toute cette scène de où ils vont justement découvrir la soucoupe qui était arrivée il y a 50 ans, l'extraterrestre mort. C'est Roswell, ouais. C'est l'histoire de Roswell qui, en fait, est... D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, si vous en êtes friand. L'armée devait être impliquée à la base et prêter des lieux de tournage pour Independence Day. Et du moment où, dans le scénario, ils ont vu la zone 51, en fait, ils ont complètement refusé. Si la zone 51 n'était pas sortie du scénario, ils ne prêtaient pas. Ça cache quelque chose. Et du coup, ils se sont pas servis des zones de l'armée. Ils ont tout reconstruit. L'armée a dit non. On ne touche pas à la zone 51. Franchement, en vrai, la zone 51 qui est dessinée dans ce film, c'est quand même que des neuneux, quoi. Ouais. Non, c'est des geeks, ils ont les cheveux longs, mais c'est pas forcément. Ah, mais le professeur geek gros avec les cheveux longs, je sais pas si c'est marqué, il a le faciès de François Hollande. Non. Vous le reverrez. Non. Moi, ce qui m'étonne, c'est que déjà, bon, il y a une soucoupe volante qui arrive dans les années 60. Ils font des recherches dessus, il y a des extraterrestres, ils en informent pas le président. Et il confie toutes les recherches à Jamy. C'était le mieux placé. Il est nul, quoi. Il a rien foutu, il a fumé que des pétards. Il s'en est pas du tout occupé du truc. Mais d'ailleurs, on dirait le chevelu dans Time Cop qui se masturbe au travail. Exactement, c'est son cousin. Jamy qui, dans la VF, a la voix de doublage de Robin Williams. T'as vraiment l'impression d'être en face de Madame Doubtfire, quoi. Quand c'est pas possible. Enfin, ceci dit, ils entrent dans la zone ultra stérilisée. Donc, c'est très très cher de stériliser une zone, mais en fait, ils rentrent avec leur pompe dégueulasse. C'est-à-dire que là, ils foutent 40 ans de boulot à la poubelle, mais c'est pas grave, c'est le président, quoi, tu vois. Et donc là, sa femme claque. Bon, là, on n'a pas grand-chose à dire. Pas, c'est beaucoup plus tard. Non, c'est beaucoup plus tard. Tu l'as regardé en accéléré encore, Gary. Non, je l'ai regardé en famille. J'ai déjà regardé à vitesse normale. Dissection d'aliens. T'infliges à ta famille des trucs comme ça. Ouais, mais ils aiment bien l'émission aussi. Dissection d'aliens. C'est vraiment qu'elle le dire parce que c'est vraiment typiquement le. Enfin, c'est le film Alien, en fait. Ouais. Mais pas très longtemps, donc il va devenir. Il se réveille, il est hostile. Ils vont le démonter avec des Beretta. Genre, c'est une vide par balle? Non. Ils vont l'allumer. Ils vont lui mettre plein de balles dans le cornet. Mais elle est un peu flippante, hein, cette scène. Vous avez pas eu peur, vous? Non. Moi, pas j'ai... du tout. Non, moi, j'ai pas eu peur. Non, moi, j'étais avec mon chat. C'est un peu flippante. Et là, le président, il a une vision. I had a dream! Il a une vision parce que l'extraterrestre s'est connecté, entre guillemets, tu sais, il lui a fait un sifflement dans le cerveau et du coup, il a vu tous les plans des extraterrestres. C'est comme convenient. Ça en fait. Ah oui. Ouais, c'est pas bête, hein, genre tu vas attaquer une planète et en fait tu vas donner le pouvoir au président, genre bon, voilà tout ce qu'on va faire, voilà, si jamais tu veux réagir ou pas. Et tout ça, et ça valait le coup parce qu'il a pu faire mal à la tête au président pendant quelques minutes. Ouais. Non, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même un discours où le président lui dit, dit à l'alien qui est derrière la vitre, genre mais non. Si tu veux, on n'est pas obligé de se faire la guerre. Enfin, on peut être amis. Ouais. En fait, tu viens juste de décimer la moitié de la planète Terre, mais si tu veux, on peut toujours aller bouffer des donuts ensemble. Hein, et le thé, quoi. Enfin, il y a pas de souci. Hein, C'est ridicule cette négo. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'alien, il enroule une tentacule autour du cou du mec, du professeur d'ailleurs, de Jamy, et il lui fait dire, il communique en fait à travers ça, quoi. Ouais. Mais qu'il a pas de corde vocale, l'alien. Ouais. Non, il a pas de corde vocale. Je m'attendais à ce qu'il lui fasse dire n'importe quoi, mais ça m'aurait fait marrer. Là maintenant tu peux dire là maintenant. J'étais là, en fait je pensais à Goldman, je voulais dire il chantait du Goldman, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Vas-y Greg. Bah sa femme meurt. Voilà. Le temps des retrouvailles d'abord. Parce que la femme, ce que tu n'as pas dit, c'est que la femme a été retrouvée par la copine femme. Stripteaseuse de Will Smith. C'est important que ça. Will Smith il va quand même aller les chercher en hélico, c'est pareil, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, un putain de hasard quand même qu'il les retrouve. Oh oui, c'est non. Tu sais, l'amour, c'est des miracles. Bon, c'est... le président, il a eu sa putain de migraine, il prend son Dafalgan, il a vu toutes les visions, il fait « Ok, maintenant, on va les bousiller avec des missiles nucléaires, ça m'a saoulé. » Oui. Donc, c'est l'idée, mais il y a toujours ce petit problème de bouclier, parce qu'ils vont envoyer un missile nucléaire et il ne va absolument rien se passer. Ça, c'était évident. Et qu'est-ce qui va se passer, comme dans tous les films? C'est le 4 juillet. Ouais. Et là, Jeff Goldblum. Il est débranlé tout seul dans la salle avec le vaisseau. Alors avant on pouvait plus y aller, maintenant t'as le droit de te mettre des cuites tout seul dans la salle, de tout toucher. Potentiellement le truc peut faire tout sauter. Non mais Jeff Goldblum, il faut dire, il a un pouvoir fabuleux, c'est-à-dire que il est bourré et en deux secondes il est plus bourré quoi, et sans passer par l'état de gueule de bois quoi. Si si, mais grâce à son père, oui. Parce que son père lui dit ça va et tout, tu vas attraper froid, et là il fait eh ben t'as trouvé la solution. En plus c'est possible. Genre, comment t'es ultra bourré, il y a ton père il vient, et en plus il écoute genre ah bon, et là il commence à réfléchir quand son père lui parle. Moi je lui dis il est bourré comme ça, il écoute rien du tout, tu vois, genre c'est fini quoi. Donc pas de gueule de bois, rien du tout, et hop. Il va hacker le machin. Alors le plan, c'est de downloader un virus dans le vaisseau mère, ce qui est très simple, avec sa clé USB intergalactique. Alors parce qu'il a tous les ports, il a tous les ports universels pour downloader. Et surtout, eux, ils ont le même système d'exploitation que la Terre. Ouais. Ils ont tiré Windows dans les années 70. Ils ont la même version que nous. Et surtout que là où j'ai flippé, c'est qu'ils sont aussi chez AOL et qu'ils ont 2 heures d'internet par mois. C'est pour ça que les boucliers, de temps en temps, ils doivent rebooter. quand la petite fille extraterrestre utilise la ligne. Bon, en tout cas, moi j'étais un peu admiratif hein, parce que c'est quand même le roi des hackers. Le roi des hackers pour hacker une technologie alien, tu vois, quand t'es en 1990. Là, mais là, il va se passer le truc le plus drôle, c'est qu'à un moment il fait donc voilà, j'ai réparé le vaisseau, l'idée c'est qu'on pourra aller péter le vaisseau mère avec ce vaisseau là. Et là, le président il dit mais personne ne peut piloter un vaisseau comme ça. Et là, Will Smith il apparaît derrière, il fait si, échec et mat, j'ai été pris en chasse par un vaisseau comme ça. Je l'ai vu voler, je peux le piloter. Moi, c'est comme ça que je passe le permis de conduire, en fait. Je regarde la bagnole par la fenêtre. Ouais, c'est bon, là, je crois que j'ai déjà vu la R5, là, je peux la conduire. C'est pas aussi simple que ça, quand même. Donc là, après, ça va, c'est la scène finale, en fait. C'est le début de la scène finale. C'est le montage. C'est le montage. On appelle tous les pays du monde en morse. Ouais. Pour une fois, enfin, tu te dis, juste avant, ils ont quand même failli lancer la bombe atomique, mais ils ont prévenu personne. Genre, oui, c'est vrai. On lance la bombe atomique sur la Terre, mais que les Américains qui commandent, quoi. Ouais, la particularité de ce film, c'est que, les extraterrestres sont censés quand même coloniser la Terre entière, pas juste les États-Unis. On sait absolument pas ce qui se passe ailleurs. Oui, mais ça se trouve, t'as. Si, on le sait pas, mais ça se trouve, t'as le président indien qui fait la même chose, et il y a un Will Smith indien. Les Irakiens, et puis c'est tout. Ça suffit. Hein. Non, mais ça se trouve, il y a un Jeff Goldblum indien, un Will Smith indien, il y a la même chose en main. Ouais, ils attendent tous quand même le télégramme en morse du président US pour. D'ailleurs, le morse, c'est pas une langue en fait. Ça permet juste de passer des caractères, mais ça permet pas de communiquer des mots. Bah oui. Bah si. Il y a des mots en morse. Bah, bien sûr. Ouais. Points, enfin. Bah, SOS quand t'es sur le. Oui, non, mais pour leur dire, pour leur faire passer la phrase, les extraterrestres attaquent, on va sans doute utiliser un nucléaire. Comment tu fais? Sauf que c'est des lettres, donc c'est forcément lié à ta langue. T'écris pas un japonais en écrivant. On a vraiment un débat sur le morse là. C'est pour ça que tu réponds jamais à mes messages. Ah, je pensais que tu m'envoyais une musique électronique pourrie, toujours la même. Ah, c'était ça. Donc la méga castagne à la maison hier. Alors avant la castagne se prépare. Oui, avant il y a un petit mariage quand même. Bah oui. Ce qui est marrant, c'est que le mariage, en fait, c'est un curé, c'est le curé de la zone 51. Parce qu'il y a toujours un curé dans la zone 51. Ah mais dans la zone 51, t'as un hôpital, le curé. T'as aussi le chirurgien de la zone 51 quoi. Non mais un chirurgien, je peux comprendre, mais enfin un curé, tu vois. D'ailleurs, il y a les très bons falafels. Après, il y a le speech du président. Il faudrait qu'on fasse un classement des meilleurs speeches. Je pense tout en haut, je pense qu'on avait Avatar. Avatar, avant. Ouais. Au plus bas, je pense qu'on avait Marky Mark dans La Planète des Singes. Mm. Celui-là, pour moi, il est vraiment quasiment au niveau d'Avatar. Hein. Le président qui s'adresse à des pilotes redneck complètement débranlés pour leur dire on va aller casser la gueule des extraterrestres. Ah, mais c'est de l'enfer. C'est pas mal, quoi. Et là, on a la surprise, il est pilote. Il est bourré aussi. Le président. Non. Tu croyais pas vu qu'il était bourré. T'as confondu, tu croyais que c'était le président qui envoyait les. Non, mais je croyais qu'on était déjà au. Comment tu fais pour. Envoyer les pesticides au début. C'est bizarre ce président, il envoie des pesticides. Enfin, tu fais une carrière de pilote, après t'es président, t'as une carrière politique de 3 ans à peu près. Le mec est vraiment devenu très très vite président. Quand même. Oui, mais ça on le dit au début. Au tout début, il y a plein de trucs comme quoi le président est très très jeune et arrive très très vite au pouvoir. Il ne sait pas gérer les problèmes et tout. Ça commence par ça d'ailleurs. Il a commencé boucher charcutier. tout est possible. En Will Smith va réaliser son rêve d'astronaute, puisque c'est précisé à un moment. Voilà, son rêve c'était d'être astronaute. Il ne va pas être accepté dans l'école. Et du coup, il va partir avec le vaisseau des extraterrestres pour aller péter la tronche aux extraterrestres. Alors, ça, c'est très très fort. Ouais. C'est très très fort parce que quand il est au début, tu sais, lui, c'est un pilote d'élite, hein, donc c'est vraiment le top du top. Et quand même, pour piloter le machin, il a fait un petit schéma à côté qui fait avant, arrière, droite, gauche. On sait jamais. Et vu que les commandes sont inversées, il se dit, oulala, vu que les commandes sont inversées, je vais inverser le schéma parce que sinon, je ne vais pas comprendre. C'est comme ça que tu apprends à conduire aussi. Avant, arrière, droite, gauche. Coup, moi, j'ai mis des grosses flèches sur le volant. Je me demandais si ça t'avait pas rappelé ton petit week-end à Disneyland, justement, parce qu'on dirait vraiment Space Mountain, cette scène. On est d'accord. Alors, c'était fermé, Space Mountain, quand j'étais. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bah, parce qu'il tournait, justement, Independence Day. C'est en 96, alors. Ce week-end-là, on peut en parler, non? là, après, donc, ils vont directement dans le vaisseau. Alors, parce que le plan, voilà, c'est d'arriver dans le vaisseau mère. Ouais. C'est de couper le bouclier pendant 2 minutes, mais en fait, on va pas trop s'en servir parce qu'on va péter le vaisseau, donc ça avait pas trop d'intérêt le virus, mais bon, on s'en a là. Bah, si, l'intérêt, c'est de couper le bouclier pour pouvoir les bombarder. Bah oui. Oui, mais en fait, ils vont quand même péter un missile. Tu vois, enfin, ils vont quand même casser le vaisseau à la fin, donc. Ouais. Donc ils rentrent. Bah, c'est le but de casser le vaisseau. Ah, mais oui, d'accord, parce que le missile il se propage. Oui, d'accord. Le virus. Oh là là. Ouais, bah, j'ai pas bien compris la fin. Hein. Et ils ont quand même pas mal de chance. Enfin, en même temps, c'est le hacker de l'univers, hein, parce que lui, il arrive dans le machin. Il se poste. Télécharge. Ouais. Il se poste en parking et en 2 secondes. Win! En 2 secondes, il est dedans, quoi, tu vois, c'est ça. Oui, parce que tu pars de download et basta, quoi. Tu vois l'extraterrestre qui a des espèces d'écrans avec des écritures extraterrestres, et d'un seul coup, t'as l'écran bleu Windows. Ah merde, contrôle absolu. Et alors après, donc, retour sur la Terre. Et alors, bon, tu sais pas pourquoi, mais le bouclier, le virus, il a marché, mais le bouclier marche encore. Mmh. Ouais. Donc, ils envoient un missile, ça marche pas, ils font, ok, bon, on rentre. Ouais, puis et puis il y en a un qui dit quand même bah non, on continue. C'est le président. C'est qui? C'est le président. C'est le président. Ah, ah, oui. Oui. Et il fait non, on l'attend. C'est lui le sauveur de l'humanité. Donc là, ils vont commencer à péter tous les missiles et tout. Il y a un Star Wars 2 là qui se. Exactement la même scène, les mêmes. Je pense qu'on va même avoir des plans en commun. Et là, en fait, il s'avère que c'est pas de bol. On a plus de missiles. Et bah, fallait taper dans le cœur. Et maintenant, on sait que c'est là et on a plus de missiles. Et bah non, parce que le redneck, il a gardé ses missiles. Il en a un qui est malencontreusement. Complètement enrayé et bloqué. Ah ouais. Ça, c'est bête, hein. Il va être obligé de se sacrifier, du coup. Mais alors, comment le mec, il passe de conduire un coucou au-dessus des champs à conduire un avion, à piloter un avion de chasse? Ils ont besoin de pilotes. Non, mais. Oui, mais c'est la fameuse formation accélérée de 2 heures. Mais non, mais ils cherchent des pilotes, ils ont des avions trop. Tu sais comment ils les forment? Ils leur montrent des vidéos d'aviation. Ah oui, voilà. C'est top, bien en accéléré. Maintenant, s'ils sont aussi facilement formables que Will Smith, enfin, ils leur font pas grand-chose, hein, au final. Donc il va aller se crasher dans le cœur. Alors d'ailleurs, bon. J'ai une petite anecdote sur ce crash. Alors, est-ce que vous saviez que donc il va se crasher dans le cœur et il y a un espèce de rayon laser qui explose géant? Et ben ouais. En fait, c'est le plan de l'Empire State Building qui est mis à l'envers en fait et qui est réutilisé dans le film. Mais dis donc. Ah, voilà. Putain, je l'avais pas vu ça. Ouais, moi ce qui me fait un petit tout peu va marrer, péter. Ce qui me fait un petit peu marrer justement, c'est que en fait, c'est l'arme la plus puissante du monde en fait, c'est le truc qui va tout faire péter, ça peut faire péter la Terre, mais en fait, il y a juste un tout petit truc en dessous. Ça se retourne contre le vaisseau, tu vois. Donc il faut qu'il fasse vraiment gaffe au début, tu vois. Genre, les gars, vous avez vérifié qu'il n'y a pas un corbeau sous l'arme, on sait jamais, ça peut se retourner contre nous, mais c'est complètement débile, quoi. Et surtout, tu casses ce truc-là, bon, ça endommage pas l'arme, on peut plus s'en servir. La soucoupe explose, quoi. Ouais. Les 25 km vont exploser. En plus, potentiellement, je pense que, tu vois, la Terre, elle est sauvée, mais à mon avis, l'atmosphère, elle est foutue. Hein. Enfin, surtout qu'il y a plein de débris qui sont censés tomber, quoi. Donc, tu pètes 4-5 soucoupes comme ça, ça fait un volcan, enfin, tu vois, c'est foutu, quoi. Jeff Goldblum et Will Smith, ils vont s'allumer un petit cigare. Normal, oui. Ouais. Ah bah c'est des héros. Faut manger du maquereau à la moutarde. Une Il en restait dans le coffre. Et ils vont s'enfuir. Et du vaisseau, la porte elle se referme au moment où là c'est une Indiana Jones, quoi. C'est hop, on passe pile poil sous la porte au moment où elle se ferme avec le vaisseau. Ouais. Là le vaisseau il va exploser. Pareil, explosion intergalactique, tu sais pas comment ils survivent. Ils s'écrasent dans le désert. À peu près 200-300 mètres de la zone 51. Exactement. Ils viennent chercher en Jeep. Quoi. Ouais. Et puis sa meuf a eu le temps de se changer parce que maintenant elle est en mini short. Bah, c'est une stripteaseuse quand même. Hein. Elle bossait pendant ce temps. Pendant que tu jouais avec sur la base américaine. Ah, moi je bossais. Parce qu'il y a un club de striptease aussi à la zone 51. Et donc là tous les vaisseaux sont à terre et je me demande pourquoi les calamars ils descendent pas pour aller faire un corps à corps, quoi. Mais non, ils restent dans le vaisseau, genre bon bah c'est bon, on a perdu, on va rester là. Déjà à noter que entre le moment enfin où ils font... pas vraiment parce que tu vois quand même les okay. Bon. Il faut noter qu'entre le moment déjà où ils font tout péter le 2 juillet et le moment où ils se font attaquer, qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Mais c'est ça, ils font rien. Bah ils attendent, hein. Je sais pas, ils jouent au bridge, quoi. Je sais pas ce qu'ils font. C'est bizarre. En fait, il y avait une très grande compétition de bridge en parallèle. Ça prenait beaucoup de temps. Et non, mais c'est pareil aussi, tu vois, genre les Américains, ils font péter le leur. Et là, ils font, ok, bah, on va envoyer un message aux autres pour leur dire c'est quoi le point faible. C'est le petit rond bleu en dessous. C'est-à-dire que les autres, ils ont pas la jugeote de le faire, quoi. Tu vois, les Japonais, ils ont bourronné au même endroit. Surtout qu'il a fallu avoir un aviateur alcoolique dans chaque pays qui remonte dans le laser, quoi. Ouais, lui, alors qui c'est un kamikaze, quoi. Oui, il se tue, laisse ses trois enfants orphelins. Enfin, mais c'est surtout que c'est mal barré, c'est parce que le truc du laser, il l'ouvre pas tout le temps, quoi. Comment tu fais, en fait, s'il l'ouvre pas, c'est ouais. un peu con, hein. Ouais, mais ils sont obligés de l'ouvrir de temps en temps pour. Boire. Allez, dis, c'est un fouet, tu veux pas ouvrir. Oh, vous avez joué au bridge toute la nuit, là. Nous, arrivés à ce moment-là, je l'ai maté avec ma sœur et à la fin, tu sais, quand tout est pété, elle me fait « Il commence quand, le film ?» C'est vraiment trop chiant. Mais ce serait trop bien qu'il y ait un 2 où ils sortent et c'est de la radio. Il y a un 2 qui est prévu. Il y a un 2 prévu. En fait, il y a un 2 et un 3. Il y a un 2 coupé en 2. Ouais, c'est cool. Prévu. C'est vraiment coupé en 2. Et en fait, ils aimaient tellement le personnage du médecin dans la zone 51, là, celui qui se fait genre prendre par la gorge par l'alien, qu'ils ont dit qu'il était peut-être dans le coma et qu'ils allaient le ressusciter. Voilà, je surtout que c'était le seul disponible pour le tournage. Film, il apparaît mort, mais c'est vrai qu'il s'est pas planté ou quoi. Ouais, je crois qu'il n'y aura pas Will Smith par contre. Il me semble. J'ai lu qu'il n'y avait pas Will Smith. Il y a Goldblum, mais pas Will Smith. Globalement, moi, ce film, c'était l'enfer absolu. Je l'avais vu petit au cinéma avec mon père qui avait détesté parce qu'il a dit c'est les Américains qui sont des Américains avec des Américains. Ouais. Moi, j'étais je suis comme ton père. Moi, j'étais trop petit pour penser ça et à l'époque, j'avais juste vu des explosions et j'avais déjà trouvé ça pas ouf. Ouais. Je l'ai jamais revu, je l'ai revu là. C'était infernal. C'est hyper long, c'est moche, c'est pas possible. Moi je me suis bien amusée. Moi j'aime bien Roland Emmerich de cette époque-là, Stargate, tout ça, ça me plaît bien, je m'amuse. Oh, putain, voilà. Stargate. Diver, moi, mais attends, bon. Stargate, je pense qu'il faut. Non. Le faire, moi. D'ailleurs, il a eu l'idée. Il a eu l'idée avec son scénariste de faire Independence Day sur le tournage de Stargate, en fait. C'est-à-dire faire là, péter les mecs de Stargate. Non, il s'interrogeait sur la présence extraterrestre et il s'est dit et si on faisait un film sur des extraterrestres qui veulent envahir la planète Terre et la détruire. Eh ben, félicitations. Moi, je me suis vraiment fait chier. Ouais, comment Comme Avatar, en fait. Un peu comme Avatar et la planète des singes. Attends, Avatar, au moins, c'était un peu joli, quoi. Ouais, mais il faut le remettre dans son. C'était quand même les années 90. Je me rappelle avoir été vraiment impressionné au cinéma avec ces explosions. C'est trop. C'était vraiment. Oui, aussi. Enfin, voilà, et puis. Ça, c'est un divertissement. C'est ça que t'allais dire. Ça est truffé. Mais je pense que les explosions de maquettes, elles étaient impressionnantes à l'époque. Là, elles le sont plus trop. Je crois que ça. Surtout sur un petit écran, en fait. Au cinéma, ça en jette, mais sur un petit écran. Bon. Moi, je trouve que c'est un. Ah, toi aussi, tu l'as maté sur ta Game Boy Advance. Moi, je trouve que c'est un divertissement honorable. C'est pas le meilleur film du monde, mais ça passe. Et toi, Greg? Ok. Merci beaucoup, Greg. Donc, c'était notre avis. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Je me suis régalé à faire les commentaires Allociné 5 étoiles de Independence Day. Il y avait de la matière, hein. Pas beaucoup de commentaires, mais en général, c'était bien. T'as fait Amazon ou pas? Ouais, j'ai fait les deux. Ah, cool. C'est plutôt sur Allociné, mais je crois qu'on va commencer sur un commentaire Amazon, le premier. Ça commence dur, hein. C'est Garcia 3212 qui nous dit « Le XXe siècle fut, on le sait, riche en événements. L'homme foulant le sol désertique de la Lune. » Mai 68, la première et la deuxième guerre mondiale, la chute du mur de Berlin. Je pense qu'il est légitime de rajouter une date à cette liste, la sortie d'Independence Day. On a Denzel Plus qui nous dit... Attends, tout ça c'est des 5 étoiles. Hein. Tout ça c'est des 5 étoiles, j'en ai 5. Ouais, tout ça c'est des 5 étoiles. On a, quand j'entends dire patriotisme, ça me fait rire. C'est quand même New York et Los Angeles qu'on voit être anéanti dans le film. Sans compter la Maison Blanche. Alors où il est le patriotisme? Le film reste réaliste, j'insiste sur ce point. Et spectaculaire. Les États-Unis possédant l'armée la plus puissante sur Terre, il est normal qu'ils réussissent à anéantir un vaisseau spatial. Il finit par « Les mauvaises critiques devraient réviser leurs leçons de cinéma ». Ah bah oui. Là, on a Minuteman qui nous dit « Signé Roland Emmerich ». Alors, en fait, Minuteman, je pense que c'est Tintin, parce qu'il utilise que des mots oubliés. Il dit « Pour coller une raclée à ces satanés extraterrestres, nos deux héros incarnés par Goldblum et Will Smith vont mettre le paquet. Et qu'est-ce qu'on rigole devant les exploits et les répliques de ces deux loustiques, aussi courageux que gauche et spontané. » Et ensuite, on a deux beaux commentaires. On a un visiteur, tout d'abord. Il n'a pas mis son nom, parce que je pense que c'est un journaliste qui a lu le cinéma. Comment il est trop bien ce film. C'est dingue. C'est crédible. C'est pas trop simple ni trop complexe. La perfection, quoi. Au même titre qu'Armageddon, les deux meilleurs films depuis toujours. Et enfin, on Il est monté dans les tours, lui. Je l'ai dit parce qu'on l'avait pas dit. Faut le dire. On a pas dit ça, les virer chocolat aussi, un moment. On n'a pas dit qui c'est qui domine. On se rattrapera. Je les ferai deux fois au prochain. Ok. Ouais. Et enfin, pour finir, on a Elodie X3X qui nous dit « Je comprends pas que les gens qui critiquent ce film, il est vraiment génial pour moi. Un très bon film de science-fiction. De plus, les acteurs sont super, surtout Will Smith qui est génial. Marie McDonnell, la présidente, la femme du président, ce qui est dommage dans le... Automatiquement présidente en fait, que je sois un président. Ce qui est dommage dans le film, c'est qu'elle meurt vers la fin. Et j'aurais bien aimé la voir jusqu'à la fin. C'est trop nul que le réalisateur l'ait fait mourir, car dans le film, elle a un mari et une fille. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Alors n'oublie pas quand vous parlez du film, bah, quand elle est importante quand même dans le film. Même si elle meurt à la fin. Moi j'ai eu le DVD il y a pas longtemps. Sinon on peut retrouver l'acteur de Jurassic Park qui est bien aussi. Et le président aussi, il est génial aussi. Et bien, et bien sûr on retrouve la fille du président qui est très rigolote. Voilà, c'est un très bon film. Oh putain. Il était pas mal aussi. Celui-là il est quand même assez gratiné. Il est bien, ouais. Il est bien. Tirage au sort. Tirage au sort. Alors, à quelle sauce va-t-on être mangé la semaine prochaine? Julie, c'est toi qui t'y colle? Allez. Vous entendez le bruit des petits papiers? Donc là, on explique. Hein. Il y a une dizaine de films dans le chapeau. On tire les films, on tire au film de hasard. C'est le film qu'on fera la semaine prochaine. Alors, j'ouvre. Et alors? Que de suspense, que de suspense. Que de suspense. La semaine prochaine, nous chroniquerons Basic Instinct. Ouais, c'est Paul Verhoeven, ça, non? Ouais. Ouais. Il va y avoir de la fesse. Hein. Je crois que j'ai jamais vu non plus. Je l'ai jamais vu. Moi, j'ai vu, mais je serais ravie de le revoir. Ah, d'accord. Très bien. J'ai pas vu non plus. Bon, bah, à la semaine prochaine avec Basic Instinct. À la semaine prochaine. Allez, ciao.